Ça peut être ton pote pour le ghetto, mais sont partis trop tôt. Dans la merde, pas Marbella. J'fais des marqués là. J'ai pas les marqués là. Pour le coffrage sous le matelas. Ça s'allume comme au ciné. T'as de quoi halluciner. Tu vas te faire saigner si tu lis pas bien avant de signer. J'garde mon honneur. J'aime pas les commères. J'm'en bats les couilles. Ceux qui m'aiment pas niquer vos mères. Même jaloux ça clique. J'suis avec ma clique. On gratte pas de stick. J'fume de la frappe et les maléfiques. Le chant de ratata.